ça en vrai. Ça marche bien juste ça comme ça. Ça marche bien juste ça. Taïb, bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa salam ala rasulillah, ma ba'd. Taïb. On a fait un mazar. Taïb. Et on avait fait les exercices, c'est ça hein? Non. On a terminé le son, taïb. Quelqu'un a une question par rapport au fait de mandala? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Hein? Taïb. Juste exercice grand 7, regardez. Il y a un frère qui a posé une question. Exercice grand 7. La phrase numéro 3, Dja Alio. Taïb. Ithnan ou Ashurun, Taliban. Le frère, j'avais dit Lyon, Fa'al. Je me suis trompé. Hein. Le Fa'al, c'est. Barakallahu fikoum. Ithnan, Taliban, Jadidan. Taïb. Lyon, Zarf. Vous avez compris? Oui. C'est le frère Abdel Majid qui m'a demandé de Zallah au khair. S'il y a des erreurs comme ça, n'hésitez pas à me faire la remarque. Il ne faut pas avoir honte. Barakallahu fikoum. Le seul livre où il n'y a pas d'erreur, c'est lequel? Tu connais ce livre? Le Coran. Taïb. C'est ce qu'il dit. Taïb. C'est pour ça, même si on a fini d'enregistrer ces livres, qu'Allah les accepte, il peut s'avérer qu'il y aura des erreurs. Alhamdulillah, on est des humains. Tu vois, mais il faut reconnaître ses erreurs. Mais le seul livre où il n'y a pas d'erreur, Kitab Allah. Tu vois. Pour ça, souvent, vous voyez certains livres, ceux qui viennent après, ils font des ta'liqat. Kanyam barayn yakoul hakadha, hakadha. Tu vois. Très, bismillah. Également, j'ai regardé Al-Kalimat Al-Jadida. Da'iman, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours. Toujours, non, le Khawabi avait raison. Taïb, da'iman, c'est-à-dire toujours, alors que si on dit souvent, ce sera plutôt ghaliban. Taïb, si vous voulez mettre à côté, ghaliban. Ghaliban. Da'iman, c'est toujours. Taïb. Comment on dit quelquefois, ya Mohamed? Ahyanan. Bureau. Maktaboun. Ouvrier. Avec le pluriel, hein? Si vous connaissez. Amin. Hein? La Ummal. Taïb. Une autre fois. Taïb. Long. La longueur, je veux dire. Toul. Taïb. La largeur. Naam. La distance. Masafatoun. Kilomètre, kilomètre. Centimètre, centimètre. Mètre. Avec le pluriel, les frères. Amtaroun. Naam. Travailler ou faire. Amilou ne s'existe pas. Hein. Le tanoui ne rentre pas dans le verbe. Faites attention. Taïb. Le verbe faire. Fa'ala. Fa'ala. Monter. Okay. Et le sens de monter ici, c'est quoi? Monter sur une monture. Une monture, taïb. L'inclinaison. Raka'a. Raka'a. Se prosterner. Sajada. Sajada. Taïb, bismillah. Al-dars al-hadi ashar. Bismillah. Le hafila, c'est le bus. Bismillah. Salam alaikum. Où c'est un petit peu le Thomas. Assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masmuka ya akhi. Ismi Abdullah. Très bien. Ismi Faisal. Atalibun anta. Ismi? Ismi Faisal. Faisalan, t'as dit, ou Faisalun? Faisalun. Ah, attends, j'ai cru que. Ismi Faisal. Atalibun anta. Ya Abdullah. Non. Continue, vas-y. Encore, fais un clin. On tourne les mots dès maintenant, comme ça des mots qui ne sont pas compris, je les traduis après une journée. Sanatine, pas sanatine. N'appuie pas sur le nul, sanatine. Oui. في السنة الثانية بسيطتي. أتعرف المهندس سلمان؟ أتعرف المهندس سلمان؟ نعم. طبعا هو أستاذي، هو أحسن مدرس في الكلية. خبيا. طبعا هو أستاذي، هو أحسن مدرسين في الكلية. من هؤلاء الفتيات الذين معك؟ الفتيات الذين معك كأنهم إخوتك. نعم هؤلاء إخواتي لأربعة. هؤلاء إخوتي با إخواتي. نعم. La prolongation c'est pour qui? Pour les filles. Il sera pas إخواتي أخواتي. طيب. نعم هؤلاء إخواتي لأربعة إخوات وثلاث أخوات. Très bien. أين يدرس هؤلاء؟ فكلهم. Essayez de préparer le texte, les frères. أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة. Continue. عيسى. وهو. أكبر مني. نعم. يدرس في la TIB. TIB. Au suivant, la faculté de médecine. Hein. On va en laisser hein. Entourer ici tous les mots. Ibrahim yadrusu fi kulliyati tijarati wa Ishaq yadrusu fi kulliyati al-adab wa Ishaq yadrusu fi kulliyati al-adab wa Ismail yadrusu fi kulliyati al-ulum. Au suivant. وهؤلاء الثلاثة أصغر مني، وأما الأخوات فيدرسن في المدرسة المتوسطة، تدرس في السنة الأولى، وسلمى تدرس في السنة الثانية، وليلى تدرس في السنة الثالثة. في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ لا أخواتك. أخواتك. سؤال كي تيجي فاعل. سي بون. ربيت خبيت باسكو سا تو سي. رياض بيان. أون بارل دي سور. لا. رياض بيان. با فيل. لي فخير فات أتونسيون لا. لا أوني دان لو تيار دو دو. Vous êtes censé faire attention, la liaison, c'est un mudaf. Il ne peut pas avoir fil madrasati khalidin. Fil madrasatin. Fil madrasatin. Ah, limada, pourquoi tu ne peux pas dire fil madrasatin? Il est mudaf là. C'est pas, c'est la madrasa de qui? De Khalid. Ah, le nom, hein. Sinon Khalid n'avait pas de madrasa. Ben Walid, Ibanati, Bimakata. C'est qui Khalid Ben Walid? Ah. Un grand compagnon. Il a un surnom. Qui connaît? Saifullah. Naam. Aina taskununa antum? Non. C'est bien d'apprendre de lire, si vous pouvez, les noms des Sahaba. Il a embrassé l'islam, c'est-à-dire après la Ghazwat Uhud. Il avait combattu contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Et c'est devenu un grand, grand compagnon. Radallahu anhu. Suivant. C'est qui? Pardon? C'est Abdallah. Ikhwati, yaskuna. Regardez bien les frères. Yaskuna. Là. Yaskuna. Yaskuna. Regarde bien. Yaskuna. Ah, quel. Ikhwati, yaskuna. في مهاجعي في مهاجعي مهاجعي الجامعة c'est pour ça il faudra préparer s'il vous plaît le texte comme ça on gagne du temps sinon moi je vais le lire mais je préfère que c'est vous qui lisez comme ça ça vous permet de faire de la lecture avant de venir lisez le 5, 6 fois 10 fois mashallah vous voyez قريب لي نعم متزوج انت لا لست بمتزوج يا عبد الله نعم pourquoi tu t'arrêtes va vite متزوج انت يا عبد الله direct لا لست بمتزوج نعم لا لست بمتزوج au suivant مع ونك هذه بطاقتي فيها عدواني يا طاو عنواني voilà direct طاو هذه بطاقتي فيها عنواني أشكرك يا أخي أنا مسرور بلقائك بلقائك أنا سأنزل في المحطة في المحطة القادمة القادمة très bien في أمان الله في أمان الله أمان الله وإلى اللقاء وإلى اللقاء هذا الباب السائق لفصال هذا الباب هذا الباب للدخول يا أخي النزول من هناك très bien vous donnez le mot avec la ligne et de la personne comme ça ça va vite بسم الله des mots pas con ouais c'est fait ça de Abdallah طبعاً c'est-à-dire certes naturellement أتعرف المهندس سلمان il a dit طبعاً certes naturellement c'est-à-dire ouais, je le connais هذا معنى طبعاً un autre mot بطاقتي هذه بطاقتي c'est ma carte فيها عنوان mon adresse c'est du modaf modaf il est بطاقتي mon ma carte et عنواني mon adresse Après La deuxième page, Faisal. C'est-à-dire la dernière parole de Faisal. Ana Masuro, Sanzilo fi al Mahatati al Qadima. À la prochaine gare. Al Mahatta, c'est la gare, al Qadima, prochaine. Fi Amanillah. C'est-à-dire sous la protection d'Allah. Il a l'Iqa. Ça, je pense que vous connaissez. On va dire au revoir maintenant. À la prochaine, Naam. L'Iqa, c'est rencontre. Non, prochaine rencontre. Tu es compris, c'est bon, tous les mots Non, Mohamed. Dans la quatrième. la quatrième ligne, c'est Abdullah Kouliati Adab. Abdullah Kouliati Adab, ça veut dire. Dans la deuxième colonne. Comment on avait traduit La deuxième colonne Ouais. Ah, ça veut dire tous les. Bon, on va traduire mot par mot le Kouliya. Taïm. أما إخوتي فكلهم يدرسون بالجامعة طيب عيسى هو أكبر مني يدرس في كلية الأداب فاكولتي دو لا لا جلمو شباسش دي نوتيس الكلية نعم نعم دو لاتخ نعم كلية الأداب نعم سي سوا الكلية فاكولتي الأداب معنا دو لاتخ كلية العلوم العلم دو سيونس ان جينيرال نعم هذا كلية الاداب معناها اللاتخ هاي فاكولتي دو لاتخ ومن بعد كلية العلوم يافي كوا ايجالمون كلية الطب فاكولتي دو ميديسين وكلية التجارة فاكولتي دو كوميرس سي بون اوتر شوز ايمن سي بون سي بون طيب بسم الله يا اخوان الدرس الثانيه سي بوتي 2 صحيح ما يلي تدير كوريج سكي سوي لا يعرف طيب لا يعرف اي عبد الله المهندس سلمان طيب ça c'est quoi نزل عبد الله لسي ça tu vois je pensais que c'était un exercice de correction mais ça c'est juste par rapport au texte اجيب on fait l'exercice d'après اجيب عن الاسئله الاتيه هذه الاسئله ليست مبنيه على الدرس الحادي عشر طيب اين تدرس انت عندك ريبو j'ai pas compris طيب je traduis اجيب عن الاسئله الاتيه بدي réponds aux questions suivantes وهذه الاسئله ليست مبنيه على الدرس الحادي عشر تي دي ces questions ne sont pas quoi quelque sorte elles sont pas prises en compte par rapport à la leçon d'aujourd'hui le 11 c'est toi qui réponds comme tu veux là طيب si je te dis aina tadrusu anta tu me diras ana alaykum salam ادرسو انت اين تدرس انا ادرس في دمشق هذا انا ادرس في دمشق اين تسكن انا اسكن في غرفه في الغرفه او في غرفتين طيب اتعرف اللغه الفرنسيه نعم اعرف تجي غير كو اعرفو كما نعم اعرفو اعرفو كما ديريكت اعرف اللغه mais si tu utilises si tu veux pas utiliser le lora tu diras quoi نعم طيب أعرفها نعم نعم أعرفها طيب من أي إذاعة تسمع الأخبار لا أسمع الإذاعة لا من لوي يشيك تكوت لا طيب القصة بحرام شيخ بن باز اللي كوتي وسي رحمه الله نعم مي سي بور فو دير وسي سي با فورسيمون سي تكوت لا راديو سي سي سي دي بيتيز الحمد لله يا إذاعة القرآن T'as eu peur qu'on dise t'écoutes la radio, hein? Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de radio. Non, mais lui, il veut que t'apprennes à parler. Allah ybarak fik. Tayeb. Alors, tu diras quoi ? Asma'u iza'ati iza'ata iza'ata riyad. Tayeb, voilà. Et ça, c'est des questions qui sont déjà passées. Tayeb, barakallahu fik. Tayeb, après, il y a quoi ? Ata'arifu bayt المدرس نعم أعرف نعم أخي يبلغي طيب تأمل الأمثلة ثم ضع في الفراغ فيما يلي مضارع من الفعل ذهب بعد إسناده إلى الضمير تأمل الأمثلة regarde attentivement les exemples puis mets dans le vide فيما يلي مضارع من الفعل ذهب c'est-à-dire il te demande de mettre le verbe ذهب au مضارع بعد إسناده إلى الضمير on lui genre quoi un pronom طيب on a Abdullah yadrusu c'est-à-dire celui qui a pris le tableau qu'on a fait avant-hier tout ça c'est quoi c'est que de la lecture Abdullah yadrusu bi jami'ati riyad wa ikhwatuhu aydan yadrusuna bi jami'ati riyad wa akhawatuhu yadrusna fi al-madrasati al-mutawassitati wa Zainab tadrusu fi sanati al-ula طيب on s'arrête où عندك اي ايمن ابي يذهب الى السوق كل صباح Très bien. Abi yadhabu ila souq kull sabah. Al-tullabu yadhabuna al-ana ila al-mudir. Très bien. Ukhti tadhhabina ila al-madrasah. Ukhti tadhhabina. Très bien. C'est-à-dire là tu parles à ta sœur ou tu informes sur ta sœur qu'elle va à l'école? Tu parles à elle là? Regarde bien. Ah, attention. Alors tu diras quoi? Pour ça, prenez le tableau bien, les frères, par cœur. Surtout comme ça, vous nous facilitez la tâche pour l'impératif. Taïb, Al-Amr. Hakada. Urti tadhabu ila al-madrasati. Andika Kamel. Tadhabu, on le trouvera où également ? On le trouvera pour Anta. Anta, c'est-à-dire al-mukhatab. Anta tadhabu. Hakada, très bien. Urti tadhabu ila al-madrasati. À toi. Aminatu wa Fatimatu wa Aishatu yadhabna. يذهبنا الآن إلى المكتبة. نعم. أين تذهب أنت يا أحمد؟ نعم. أين تذهب أنت يا أحمد؟ أنا أذهب الآن إلى المسجد. نعم. أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب. C'est le même exercice, mais il vous demande quoi de mettre un verbe de votre choix. Et comme ça au suivant. بسم الله الرحمن الرحيم. يلعب كرة القدم. كل أسبوع نعم الطلاب يلعبون كرة القدم كل أسبوع بسم الله. المدرس يكتب الدرس على السبورة. نعم، المدرس يكتب الدرس على السبورة. أخواتي أختي يغسلنا ثيابي بالصابون. نعم. أنا أقرأ القرآن كل صباح. خيبي، أنا أقرأ القرآن كل صباح. أسمع الأخبار من الإذاعة. أنا ربيت أسمع. أسمع. أسمع. نعم. أسمع. أنا أسمع الأذان. لا غير بيا. الأذان. يكفي الأذان هو ما سبق الأذان. C'est possible, parce qu'on a peut-être pas la même édition. C'est quoi, vous? C'est les deux lignes au-dessus. Ah, c'est les deux lignes. Ça arrive. Dis-nous pourquoi tu as mis une kasra, Mahdi. Akhbara. Et pourquoi tu as mis une kasra, une fathala? Ce que j'ai entendu. Je sais que j'ai entendu. Asma'u. Maf'oul bi. طيب بارك الله فيك. يعني اسمع الاخبار من الاذاعه. كل يوم يا عبد الله. نعم غير بيان تو تجي اسمع رياضه سوسي ici comme ça tu vas comprendre. تجي اسمع الاخبار من الاذاعه كل يوم يا عبد الله. tu t'es appelé ou tu appelles quelqu'un là? T'as compris là, Merdi? Tu dis asma'u. C'est qui écoute là? C'est moi. C'est toi. طيب. الاخبار من الاذاعه كل يوم يا عبد الله. Là tu appelles quelqu'un ou tu t'appelles là? Non, il y a quelqu'un bien précis. Voilà. Toi, tu vois la faute que tu as fait là ou non? Non, je vois. Tu as dit asma'u. Non. C'est qui entend là? C'est toi ou c'est عبد الله? Ah, c'est dit. J'entends. Regarde, moi j'essaie de t'aider là. Il y a un indice là. Tu saisis ce que je te dis là? Non. Qui a compris? Tout le monde a compris? Non. Moi si je te dis Ya Mahdi, asma'u l'akhbar, ou je te dirais Ya Mahdi, atasma'u l'akhbar? Je te dirais. Non. Je te dirais atasma'u. Pourquoi? Parce que face à toi, tu non, c'est pas une question de face à toi. Tu peux être face à moi et pourtant je vais t'informer. Je te dirai quoi? Ana asma'u al-akhbar kull yawm. Ya Abdallah. Mafhoum? Ana asma'u. Mais là, il te dit quoi? Atasma'u al-akhbar. طيب. Ya Abdallah. Non. Parce que je parle à lui. C'est comme si là tu parles à lui. طيب. طيب. T'as compris la Mahdi? Non, j'ai compris. طيب. Enfin, je me suis trompé dans le dire tasma'u, j'ai dit asma'u. Non, le fait que tu appelles, c'est comme si tu lui demandes. Mais Allah alim, il n'y a pas de mal également de dire asma'u, comme si tu veux l'informer, ya Abdallah. Mafhoum hada? Mais le fait de l'appeler, c'est que tu veux l'informer. طيب. Il y a surtout une question. Comment? Parce que voilà, également plus, il y a l'interrogation, comme ils disent les frères, alors là, automatiquement, atasma'u. Mais s'il n'y avait pas l'insigne, là tu aurais pu avoir raison. Ça veut dire asma'u ou atasma'u. Mais le fait qu'il y ait l'interrogation, c'est-à-dire le signe, là automatiquement c'est quoi? C'est que tu demandes après lui, est-ce que c'est toi qui entends les informants? C'est pour ça avant de répondre, regardez à qui vous allez parler. Ça veut dire là on a quoi? Ya Abdallah, An-Nida, et en plus on a le signe, At-Tarqim. Alors automatiquement tu diras quoi? Atasma'u. T'as compris la main? Barakallahu fik. Au suivant. Regarde bien. At-talibatu. At-talibatu yadhabna ila al-madrasati bihafilati al-madrasati. Très bien. Ila al-madrasati bihafilati al-madrasati. On aurait pu dire, Afwana, on aurait pu dire At-talibatu yadhabna ila al-madrasati bihafilati al-mudarrisati. C'était faisable ça? c'est pas possible. Qui est d'accord avec lui? Vous avez compris ma... Regardez, concentrez-vous bien, les frères. At-talibatu. Le frère Abdelmajid, tout à l'heure, il a bien répondu. Taïb, je ne suis pas en train de le corriger. Mais j'essaie de lui donner une autre proposition. At-talibatu yadhabna. Taïb, il a le madrasati bihafilati al-madrasati. C'est-à-dire, les élèves, elles vont comment à l'école? Avec le bus de l'école. Moi, je lui ai demandé, barakallahu fikoum, est-ce qu'on aurait pu dire At-talibatu yadhabna ila al-madrasati bihafilati al-mudarrisati? يمكن هذا ولا ولا يمكن يمكن طيب une prof elle a de l'argent elle a mis un bus fi sabilillah طيب inchallah ça vous permet après de parler de plusieurs mots طيب inchallah au suivant bien répondu hein Abdelmajid طيب au suivant اتسمعين الاذان في غرفتك يا ليلى moi c'est Ali hein désolé اتسمع الاذان في غرفتك يا علي نعم أتسمع الأذان في غرفتك يا علي الطلاب يسألون المدرس أسئلة كثيرة très bien النساء يأكلن très bien تفاحة très bien المديرة تدرس الآن في المكتب في مكتبها المديرة تدرس regarde bien Abdelhamid. Avant de répondre, voyez un peu ce qui est censé le dire. Taïb. Nous, le plus souvent, on veut pas. On sait que la directrice, quand elle était dans son bureau, on sait elle est assise. Mais c'est pas le but, là, est-ce qu'elle étudie ou non. Moi, je me souviens pas, elles étudiaient, les directrices. Elles remplissent les absences, les moshakel. Alors, regarde bien. Là, regarde bien, là, Frédéric. Al-Mudira, c'est une. Taïb. C'est pas un indice le fait de dire Al-Ana min maktabiha. Pour ça, je lui dis avant de répondre, regardez. Al-An. C'est-à-dire, il va avoir une action. Taïb. Min maktabiha. Qu'est-ce qu'il va avoir? Al-Ahakada. Takhrojo Al-An min maktabiha. Amma tadrosso. Allah alam hadi. Taïb. Le suivant. نعم كلية الهندسة يعني فاكولتي دانجينيور اختي تكتب الان دروسها في الدفتر très bien اختي تكتب الان دروسها في الدفتر بارك الله فيك tout le monde a compris inchallah طيب exercice 600 حول المبتدا في كل من الجمل الاتيه الى الجمع حول ça veut dire changer ici طيب Al-Mubtada, vous savez c'est quoi? Fikuli min al-Jumal dans toutes les phrases suivantes au pluriel. At-talibu yadkhulu al-fas. On dira quoi ici? At-tullabu yadkhulu. Yadkhuluna. Ahsantum. Taïb. Yadkhuluna al-fas. Ou al-fusul. Al-fas. Taïb. Il n'y a pas de mal. On s'arrêtait où? Tfaddal. Al-rijalu yadkhuluna al-ruzza. Naam. طيب الرجل يأكل الرز الرجال يأكلون الرز العامل يعمل في المصنع 8 ساعات وهبي العمال يعملون في المصنع 8 ساعات نعم التاجر يفتح الدكان في الساعة 8 التجار يفتحون الدكان الدكاكين في سيريا غاز دكان دكاكين après vous le verrez plus tard inshallah Ça peut être un grand magasin, Inch'Allah, ils vivent tous ensemble. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très أخواتي تبحثون تبحثنا عن المكنسة. لا. يبحثنا. يبحثنا عن المكنسة. Le ta, on l'utilise quand on parle d'une personne non présente. Qu'au féminin quoi? Singulier. Et le ta, on l'utilise également pour qui, Abdelmajid? Al-mufrad mudhakkar, al-mukhatab. Taïb, inshallah. Ces deux ta là, apprenez-les bien par cœur. طيب طيب المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. المدرسات يدخلن في الفصل في الساعة السابعة. نعم المدرسات يدخلن الفصل في الساعة السابعة. الطالبة تكتب الدرس. الطالبات يكتبن الدرس. زميلة أختي تعرف اللغة الفرنسية. زميلات أختي يعرفن اللغة الفرنسية. نعم. بنت عمي تدرس في المدرسة الثانوية. بنات عمي يدرسن المدرسة الثانوية. خيبيا بنات عمي. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Non. Abdelrahman, tu pourrais dire la phrase qu'il a dit, tu pourrais dire Zoumala ? Non, non, c'est un féminin, ça. Oui, tu vois, Zoumala, Ati. Même un Zamilatou. C'est le pluriel Zamilatou. Zamilati. Zamilatou. Il a dit quoi ? Zamilati ou Zamilatou ? Zamilatou. Zamilatou. Voilà. Jamal Mouane Salem. Il a dit quoi ? Non, c'est quoi la question que tu as posée? Non, mais j'ai la question, je vais te tromper. Non, non. Zamilatu Urti. Une amie à ma soeur, c'est une fille. Taïb, et restons avec une fille avec une fille. Taïb, Zamilatu Urti. Hakada. Barakallahu fikoum. Taïb. Une fille dans l'islam n'a pas de copain. Hada. Zamilatu Urti. Taïb. Car on verra certaines choses dans ce livre. Je crois que l'auteur du livre, c'est un ikhwan. Tu vois ? Alors c'est possible, de temps en temps. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de choses. Français, Britannique, Washington. Hada. Tu vois ? Le mieux, c'est de donner des termes islamiques. Hakada, tu vois ? Pour ça, s'il y a des termes comme ça, ne dites pas, par exemple, Zami, Zamil, Urti. Là, sachez qu'il faut enseigner. Tu vois ? Si vous lisez la vie des Arabes, subhanallah, ils disent pourquoi dans, chez les Arabes tu trouves plus de ismishara au féminin que dans le mot dhakar. Car les Arabes, regardez, même avant l'islam, c'était pour eux une honte de citer le nom d'une femme. Tu vois par exemple hadihi, vi, ti, alors que le mot dhakar, il y a hada. Il n'y a pas autant de ismishara comme chez la femme. Également, ils avaient la jalousie, al-ghira. Imaginez-vous, Talha, radallahu anhu, sa femme, Asma bint Abi Bakr, elle portait le fagot, c'est-à-dire le bois. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vue dans cet état-là, il a voulu qu'elle monte. Et elle a dit quoi ? Elle a dit à son mari, je me suis souvenu de quoi ? De ta jalousie. C'est-à-dire, lui, il a dit, comment être jaloux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Regardez. Un autre sahabi, radallahu anhu, il partait au combat et il revenait chez lui, il a vu sa femme devant la porte. Il a dit, j'étais prêt à envoyer le javelot ou la lance. Et avant de faire ça, il a dit, regarde ce qu'il y a dans la maison. Et elle a trouvé quoi ? Un serpent. Au fond. Et ça, c'était à Médine et ça peut être un djinn. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous trouvez ça dans vos maisons, demandez-lui trois fois au nom d'Allah de quitter la maison. Au fond. C'est-à-dire, les Arabes, après même dans l'islam, ils avaient al-ghira. C'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les filles à ne pas parler avec les garçons. Et ça, ce n'est pas du tachet d'autre. On avait un frère ici, Mesquine, avant. Il dit, non, mais ce n'est pas normal, les petites, on leur met déjà des hijabs. Je lui dis, est-ce que c'est un bien ou un mal ? C'est un bien. Que ta fille, elle grandisse avec pudeur. C'est-à-dire à la honte d'un homme. Qui est l'inverse, on peut dire même des sœurs qui sont en France. Ce n'est pas de leur faute, mais elle a peut-être fait 20 ans, 15 ans, 17 ans d'école. C'est pas comme la sœur qui a grandi dans un état islamique. Depuis toute petite, elle est qu'avec des femmes, elle est qu'avec sa mère. C'est-à-dire, son ami, c'est son père. Et son ami, c'est son frère. Ça, c'est une ni'ma. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala que quelqu'un, il a une fille qui a grandi dans un état islamique. Depuis toute petite, elle a le hijab. Alhamdulillah. C'est-à-dire que la petite demain, elle sort sans hijab, elle dit « Oumi, oumi, mon hijab ». C'est vrai. Les enfants, s'ils sont habitués à une chose, sachez que ce sera difficile de leur enlever. Et les enfants, si tu l'habitues à une mauvaise chose, ce sera difficile de lui imposer. Et ça, c'est une chose qu'on a vue. c'est, il y a pas besoin de niquage, de dire non, c'est pas vrai. Là, regardez bien. Regardez un peu nous déjà. Le fait d'avoir trop tardé en France, il reste des séquelles. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu vois un peu de l'agressivité, des choses comme ça. Wallah, ce matin, il y avait un frère, parce qu'il y en a un Américain, il posait son pied sur les livres. Comme ça là. Et moi, je l'ai vu. Et je me suis dit, je vais aller le parler. Et je vois le caractère. Un frère yéménite, il a dit, Akhi, Wallah, il a même pas calculé, miskin. Et il est venu vers moi, peut-être s'il dit, je parle l'anglais et tout. Et j'ai vu que c'était wajib. Je me suis levé, je lui ai dit, assalamu alaikum, Akhi, je parle pas l'anglais. Je lui ai dit, ton pied sur les livres. Je dis, wa man yu'adhim sha'arillah fa'ina min taqwa al-qulub. Ya subhanallah, il a regardé d'une manière. Je me suis dit, au mieux je parte. Parce que, okay, comment, t'as pas trouvé que. Comme ça. À la fin, il m'a dit, jazakallah khair, t'avais raison. Mais regardez, c'est des séquelles. Kalam Allah, un autre. Wallah, un autre pareil. Al-Mushaf, sur la ferraille où on met les ni'al. On met les sandales. J'ai akhi. Il me dit, il veut me faire un dali. J'ai dit, haram. On met les sandales. Il pose le Coran. Après, j'ai vu la niqa, je lui dis, chauffe Allah. Et je suis parti. C'est vrai, ça, c'est des séquelles. Alors que quelqu'un qui grandit dans un état islamique, il va adam kalam Allah. C'est pas possible qu'il va poser un mushaf comme ça sur la ferraille des sandales. Tu vois, c'est pour ça, c'est une ni'ma. Allah. Tu vois. Barakallahu fikoum. طيب أنيث الفاعل في كل من الجمل الآتية. أنيث ما معنى أنيث وهبي؟ نعم الفاعل c'est-à-dire ici vous demande de rendre au féminin le sujet dans toutes les phrases suivantes. أين يدرس أخوك يا علي؟ أين تدرس أختك يا علي؟ طيب إن شاء الله يشرب أبي القهوة. استعتيه. تفضل. نعم تشرب أمي القهوة يلعب الطفل مع أخته الفاعل on doit changer le sujet au féminin on dira eh نعم mais le verbe il reste comme il est on dit يلعب الطفل تلعب أحسن تلعب الطفلة مع أختها jouer avec sa sœur là. طيب تذهب الطالبات الى المدرسه نعم تذهب الطالبات الى المدرسه اين تجلس المدرسه نعم اين تجلس المدرسه طيب سي فاسيل سا سي طيب تامل ما يلي تذهب انا نبارلي غراس الله دو سا انت تذهب هي تذهب vous avez compris le schéma je pense hein Ah, il va vous dire, regardez, quand tu parles à un frère, Mufrad, Mudakar, Mukhatab, tu diras Anta, Tadhabu. Et si tu parles d'une sœur, c'est-à-dire Mufrad, Raib, Mu'annath, Hiya, Tadhabu. Fait qu'il a l'amrin, c'est-à-dire dans les deux cas, tu vas utiliser quoi? Le ta. Le fou, Inch'Allah, là Taïb. Hawil al-fi'l, fi kulli min al-jumal al-atiya ila al-mudara. Taïb. Là, c'est quoi? Il vous demande de changer le verbe dans toutes les phrases ou quoi au mudhara. Ana dhahabtu ila souq. Ana adhhabu ila souq. طيب غسل الولد وجهه بالصابون. Suivant. يغسل الولد وجهه بالصابون. يغسل. C'est bon ça? يغسل. Wahbi, c'est bon يغسل? يغسل. يغسل Et toi? Yarsilou. C'est pour ça, les frères, apprenez par cœur. Taïb, hein, demain c'est vendredi, Inch'Allah. Apprenez ces verbes par cœur. Comme ça, si on dit Yarsalou, Taïb, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait dit au Amr? Irsal. Irsal ou Wajhak. Là. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'après, il fallait appliquer ça. On aurait dit Irsal ou Wajhak. Alors que normalement, c'est Irsal ou Wajhak. Mais faut mal Alors apprenez bien Al-Mudara, Barakallahu Fikoum. Taïb. الطلاب خرجوا من الفصل الطلاب يخرجون من الفصل très bien بأي جامعة درست يا فيصل بأي جامعة بأي جامعة نعم تدرس يا فيصل très bien طالبات يدخلن الفصل نعم الطالبات يدخلن الفصل كت لعبت آمنة مع أختها تلعب آمنة مع أختها نعم تلعب آمنة مع أختها كتب المدرس الدرس على السبورة يكتب المدرس الدرس الدرس على السبورة نعم سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة يسأل الطلاب très bien المدرسة أسئلة كثيرة عفوا نزل الركاب من الحافلة ركاب سلبوال دو راكبة ينزل الركاب من الحافلة نعم غسلت أمي الثياب تغسل أمي الثياب نعم لا réponse ouais c'est طلاب يسألوا tu veux qu'il dise quoi vas-y le frère il a dit يسأل الطلاب المدرسة أسئلة كثيرة يسألون regarde bien c'est quand qu'on met le verbe au pluriel s'il est précédé t'as vu inshallah barakallahu fik on va s'arrêter là inshallah parce qu'après il y a beaucoup de choses si vous avez compris ça déjà c'est bien barakallahu fik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته